Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici l'essentiel. L'Union africaine est prête à soutenir les efforts du Burundi dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo, en particulier à l'est de ce pays. Ce sont les propos de Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'Union africaine. C'était dans un point de presse animé ce samedi. Et trois personnes, y compris le secrétaire du parti CNDD-FDD à Mutambara, sont au cachot du commissariat communal de Rumonge. Les raisons de leur arrestation sont diverses, vous l'entendrez dans cette édition. Dans la chronique culture, l'on vous parlera des tambours burundais, leur rôle dans l'éducation de la population. Et après ce journal, je vais céder le micro à Jean Bosco Nduimana pour vous présenter la revue de la presse. Bienvenue. Encore une fois, bienvenue. Il est difficile de promouvoir les droits de l'homme jusque dans les communautés sans savoir la manière de communiquer pour bien relayer les messages. Ce sont les propos du professeur Sururu Adolphe ce vendredi à Gitega lors de la clôture d'un atelier d'échange organisé par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, avec les leaders religieux. Cet expert en communication non violente leur a rappelé qu'une communication mal donnée est mal comprise et vécue. Il a conseillé à ses responsables religieux de montrer d'abord l'amour et le respect à leurs fidèles pour y arriver. Suivez. Personnellement, je suis convaincu que la meilleure façon d'enseigner des choses aux gens, c'est d'abord de leur montrer du respect, de l'amour, et puis aussi travailler de manière désintéressée pour que les gens puissent dépasser leurs différences, pour qu'ils comprennent que le monde appartient aux gens. Et la meilleure façon d'influencer le monde, c'est d'abord lui montrer qu'on l'aime et qu'on lui veut du bien. Et toujours utiliser une communication respectueuse et bienveillante envers tout le monde. Parce que souvent, lorsque vous utilisez une communication violente qui est basée sur ce que j'appelle les cinq piliers de la communication violente, les cinq piliers qui sont utiliser les menaces, utiliser les mises en garde, utiliser les stéréotypes, utiliser également la méchanceté ou des choses en rapport avec « tu me fais du mal, je vais aussi te faire du mal », c'est déjà fausser la communication. Et tout ce qui est mal communiqué risque d'être d'abord mal vécu et par conséquent mal compris. Mon rôle, c'était d'attirer l'attention des gens sur leur façon de communiquer, qu'ils apprennent à communiquer avec le cœur, non seulement avec leur tête, mais communiquer avec le cœur et baser le tout sur la bienveillance, le respect mutuel et le respect et la tolérance des différences. Poursuivons cette édition, trois personnes parmi lesquelles le secrétaire collinaire du parti CNDD-FDD sur la colline Mutambara et le plaignant contre le chef collinaire sont locataires du cachot du commissariat communal de Rumonge depuis ce vendredi. Elles ont été arrêtées pour des raisons diverses mais liées toutes à la retention du chef collinaire de Mutambara depuis ce mercredi, n'est-ce pas Jean-Pierre Misago? Majid Jonathan, qui a porté plainte contre Kachindi Sylvain, chef collinaire de Mutambara, l'accusant d'entretenir des relations amoureuses avec sa femme légale, a été le premier à être arrêté, puis conduit au cachot de la police de Rumonge ce vendredi. Selon ses proches, Majidi aurait été appelé par l'officier de police judiciaire instructeur du dossier de Kachindi. Arrivé à son bureau, Majidi aurait été sommé de signer sur un procès verbal contraire à ses accusations portées contre Kachindi la veille, faute de quoi un mandat d'arrêt était déjà signé. Majidi Jonathan aurait refusé d'apposer sa signature sur son procès verbal, selon ses proches, un geste qui lui a valu son arrestation. Le procureur de la République à Rumonge rejette en bloc ses accusations portées contre le PJ, instructeur du dit dossier. Il reconnaît avoir lui-même sorti son mandat d'arrêt, puisque selon lui, Majidi ne pouvait pas solliciter la justice, car entretenant lui-même deux femmes. Cependant, les proches de Majidi Jonathan disent ne pas être au courant d'une quelconque plainte déposée contre lui. Ninyibuka Alfe, secrétaire collinaire du CNDD-FDD à Mutambara, quant à lui, rejoindra Majidi par après. Des propos diffamatoires écrits et diffusés sur la voie des ondes contre le gouverneur de Rumonge sur l'arrestation de Kachindi Sylvain et un message de haine entre les habitants de Mutambara sur base ethnique et politique adressé à une autorité de ce parti dont le nom n'apparaît pas dans son message a valu son emprisonnement. La troisième personne arrêtée a été un certain Amissi de Mutambara. Lui est accusé de tenir publiquement un discours dégradant à l'encontre du gouverneur de Rumonge, l'accusant de faire arrêter arbitrairement le secrétaire collinaire du parti CNDD-FDD, mais a dû reconnaître l'infraction et a demandé pardon devant les responsables policiers présents à Rumonge ce vendredi. Selon le gouverneur de Rumonge, l'arrestation de Kachindi Sylvain, qui serait à l'origine de ces autres arrestations, est intervenue l'après-midi de ce mercredi. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago de Rumonge, au sud-ouest du pays, Cap à Kayanza, au nord cette fois-ci, où cinq moutons ont été tués l'après-midi de ce vendredi dans un ménage de la colline Yanza, zone Rugazi de la commune Kabaro de la province Kayanza, par un animal non encore identifié. La population de cette localité s'inquiète de la situation. La police à Kabaro dit qu'en collaboration avec la population de cette localité, cet animal est en train d'être recherché pour prévenir d'autres dégâts que le même animal pourrait causer. Et nous devons cet élément à notre correspondant à Kayanza, Patrick Nsengyumba. Après une courte pause, le journal continue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h03, l'autorité de l'aviation civile doit donner régulièrement le rapport des devises perçues. C'est l'un des points analysés au Conseil des ministres tenu mercredi de la semaine en cours. Prosper Naouami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, révèle que les redevances aéronautiques appliquées devraient être réajustées par rapport à celles des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est suivies. L'aviation civile donne lieu à de multiples installations et services dont les coûts se rapportent au capital et à l'amortissement des immobilisations, ainsi que les frais d'entretien, d'exploitation, de gestion et d'administration. Les redevances aéronautiques et extra-aéronautiques perçues actuellement par l'autorité de l'aviation civile du Burundi sont régies par les textes réglementaires qui datent de 1989, 1995 et 2014. Une consultation des compagnies aériennes a été menée en date du 16 septembre 2021 en vue d'échanger sur une proposition d'actualisation des redevances aéronautiques appliquées par l'autorité de l'aviation civile du Burundi et le principe de les réajuster à la moyenne de celles appliquées dans les pays de la communauté est-africaine a été accepté. Par ailleurs, en vue que ces redevances soient réparties à travers plusieurs textes réglementaires, il s'avère nécessaire de les regrouper sous une seule ordonnance ministérielle pour une exploitation plus aisée. Enfin, étant donné que certains services sont rendus sans contrepartie de redevances alors qu'ils occasionnent des coûts de production, cette nouvelle ordonnance vient instaurer de nouvelles redevances relatives à ces services. À l'issue de l'analyse, le projet a été adopté avec, entre autres recommandations, de reformuler le titre en faisant ressortir uniquement la fixation des redevances sans devoir citer le code de l'aviation civile. L'autorité de l'aviation civile du Burundi doit prévoir un plan d'investissement des recettes. L'autorité de l'aviation civile du Burundi doit donner régulièrement le rapport sur les devises perçues. Faire transparaître les budgets des structures à gestion autonome dans le budget de l'État. Mentionner le ministre en charge des finances comme co-signataire de l'ordonnance. Je vous le disais en titre, l'Union africaine est prête à soutenir le Burundi dans son processus de recherche de la paix et la sécurité pour d'autres pays, notamment à l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont là les propos de Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'Union africaine, lors d'un point de presse au terme de sa visite de 3 jours au Burundi. C'est après un entretien qu'il a eu avec le président burundais Evariste Ndayishimiye vendredi à Kirundo. Suivez. J'ai profité naturellement de ma rencontre avec le chef de l'État pour faire un tour d'horizon. D'abord, la situation au Burundi, où on constate un progrès dans la stabilité. Et nous, à l'Union africaine, comme dans la plupart de nos États membres, notre message est celui de plus de dialogue, plus de concertation, plus d'approfondissement de la démocratie qui sont nécessaires pour la cohésion des peuples. Et nous avons constaté des progrès significatifs, monsieur le ministre. J'ai également eu l'occasion de réitérer mes hommages aux soldats du Burundi qui ont sacrifié leur vie pour la paix et la stabilité dans ce continent. Le contingent du Burundi a sacrifié l'un de ses meilleurs en Somalie. Les soldats burundais sont dans la MINUSCA, en République centrafricaine. Et maintenant, ils se déploient à l'est du Congo pour la paix et la stabilité de ce grand pays africain qui a des difficultés. J'ai eu à remercier le président, j'ai eu à remercier les membres du gouvernement et l'ensemble du peuple et l'armée burundaise pour ces sacrifices hautement appréciable. Le président Ndayishimiye, vous le savez, est président en exercice de la communauté est-africaine. Et donc, nous avons naturellement évoqué les problèmes régionaux, notamment la situation à l'est de la République du Congo, où vous savez, il y a deux processus, le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Et le président en exercice a un rôle de coordination très important. D'ailleurs, il l'est fait avec beaucoup d'engagement. Nous avons pris part ensemble à une réunion du Conseil paix et sécurité en marge de notre dernier sommet au niveau des chefs d'État et ce soutien au processus de paix et de stabilité est quelque chose d'appréciable. J'ai rassuré le président du soutien total de l'Union africaine au travail qu'il est en train de faire, qui est un travail excellent. Le Burundi est actuellement membre du bureau de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Il participe à l'animation de notre organisation, l'objectif étant de mettre en œuvre les aspirations des populations africaines contenues dans l'agenda 2063. Une Afrique intégrée, une Afrique prospère et une Afrique en paix. Et sans transition, chronique et culture, les tambours burundais jouent un grand rôle dans l'éducation de la population par la transmission de différents messages. Oscar Nshimirimana, à la tête du groupe des tambourinés de Gishora, ajoute que les tambours contribuent aussi dans le divertissement. Les détails de cette chronique culture avec Jean-Marie Vianney Ngendakoumane. Le tambour burundais joue un grand rôle dans le divertissement et peut contribuer dans l'éducation de la population du fait que les tambourinaires prodiguent des conseils lorsqu'ils jouent au tambour. Propos d'Oscar Chiminimana en tête des tambourinaires de Gishora. Il précise que les tambourinaires burundais ont beaucoup contribué dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Quand les tambours retentissent, beaucoup de gens, et surtout hors du pays, on invite les gens qui ont des problèmes d'être heureux pour qu'ils puissent participer. Cela leur procure de la joie. On invite également des malades mentaux pour des fins thérapeutiques. Quand nous battons le tambour, nous faisons un clin d'œil à la population. Dernièrement, vous le savez, il y a eu la pandémie de Covid-19. Nous avons prodigué des conseils à la population à travers le rythme du tambour sur le mode de prévention. Il ajoute que depuis que le tambour burundais a été inscrit à l'UNESCO comme patrimoine mondial, cela a été l'honneur pour le pays. Quand on parlait du tambour, il y a vraiment de la plus-value. On citerait entre autres son inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2014. Cela a été un événement inoubliable pour nous qui sommes de Gishora où est né le tambour. Bien que les retombées ne sont pas aujourd'hui palpables, nous avons espoir que tôt ou tard, il y aura de la plus-value. Il exhorte les Burundais à aimer le tambour. Nous sensibilisons également la population au patriotisme. Tout cela apparaît quand le tambour retentit. Je dirais donc que le rythme du tambour est accompagné toujours par un message. Dans la prochaine chronique culturelle, Oscar Chiminimana nous parlera du rôle du tambour dans le processus de la réconciliation et de la promotion de l'économie du Burundi. Merci Jean-Marie Vianney Nguenda Koumana. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Akizmana pour la mise en onde. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse avec Jean Bosco Ndouimana. Gardez l'écoute. Au revoir. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous écoutez. Quand le CASH joue à cache-cache avec la BRB, lance le journal Iwachu. En effet, d'après des témoignages recueillis par son confrère, un bon nombre de banques et de microfinances sont en manque de liquidité. Une situation causée par une mesure de la BRB qui limite les retraits en cash. Et d'après un banquier, poursuit ce journal, cette mesure amène les grands opérateurs économiques à éviter le circuit bancaire. Ils vont conserver leur argent chez eux au moyen d'un coffre-fort et au moment de passer des commandes, ils iront au marché noir pour se procurer les devises dont ils ont besoin, ce qui alimente la spéculation. Sur l'annonce faite par le chef de l'État qui menace de changer les billets comme moyen de décourager la thésaurisation, un banquier exerçant depuis près de 30 ans et cité par le groupe de presse Iwachu est catégorique. Il n'aurait pas dû annoncer qu'il compte le faire. Il aurait dû agir avant et attendre les concernés au tournant. L'économiste et professeur d'université Prosper Niyoboke confirme, expliquant dans les colonnes de l'hebdomadaire Iwachu, que beaucoup de grands opérateurs économiques pratiquent la thésaurisation parce qu'ils n'ont plus confiance en la monnaie burundaise, dont ils constatent la forte dépréciation. Ainsi, ils vont pratiquer la thésaurisation et rafler le peu de devises disponibles sur le marché noir qui aurait servi à financer le secteur productif. Pénurie du carburant, un problème insoluble, constate Burundi Eco. De longues files d'attente des véhicules s'observent de nouveau devant les stations-service. Ce journal regrette que les promesses de la Nigerian National Petroleum Company Limited de fournir du carburant au Burundi tardent à se concrétiser. Son confrère estime que la visite du ministre des Finances au début de cette année au Nigeria était concluante pour en finir avec cette problématique. Mais pour lui, le transport du carburant jusqu'à Bujumbura constitue un fardeau pour les investisseurs, d'autant plus qu'il n'existe pas de pipeline qui relie les pays producteurs aux consommateurs. Il ne faut pas perdre de vue que le pays traverse une crise économique qui résulte du désordre financier en matière de gestion des devises et la politique de refinancement. Le pays nécessiterait environ 300 millions de dollars rien que pour importer le carburant, alors que les recettes issues des exportations sont en chute libre, ajoute cet hebdomadaire socio-économique. Revue de la presse. Le phénomène de la mendicité atteint une allure inquiétante, rapporte la voix de l'enseignant, qui précise que ce sont des enfants en âge de scolarité qui viennent essentiellement de Busoro et de Kamesa et de Terere à mairie de Bujumbura. L'administration et les parents font appel à la vigilance de tout un chacun et font savoir que la cherté des denrées alimentaires est à l'origine de cette déviance, écrit ce journal. Des réunions de sensibilisation ont été menées dans les quartiers du nord de la capitale afin que chacun puisse contribuer à éradiquer ce phénomène, précise un responsable administratif sous couvert d'anonymat dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation. Il indique que la quadrilogie doit se mettre à l'œuvre pour combattre ce phénomène car, précise-t-il, l'administration à elle seule ne peut pas y parvenir. Les motos et tricycles de nouveau autorisés à circuler 24 heures sur 24 heures à Ngozi, rapporte l'agence Net Press, qui note cependant une exception. Les chauffeurs de ces motos et tricycles ne peuvent pas déplacer surtout la nuit des clients vers la frontière entre le Burundi et le Rwanda. La raison est tout simplement d'éviter qu'il y ait déplacement des ventes frauduleuses vers le voisin du Nord qui, apparemment, attire beaucoup ces fauteurs de troubles. D'après des informations recueillies sur place par son confrère, le gouverneur, après beaucoup de réunions de sécurité, a constaté que celle-ci est bonne sur toute l'étendue de l'entité provinciale. En outre, les motards, tout comme les chauffeurs des tuk-tuk, ont été invités à collaborer avec les forces de l'ordre pour le maintien de la sécurité. Ce quotidien en ligne signale que les motos devaient circuler jusqu'à 20 heures au moment où les tricycles ne dépassaient pas 21 heures. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.